السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد. Donc ceci est le troisième cours d'explication de hadith du chapitre de la foi du livre Al-Jami' al-Sahih Mimma Laysa fi al-Sahihayn de l'imam Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullah. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous facilite et nous accorde la réussite. Donc le hadith suivant est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam an al-Nawas ibn Sam'an qal سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من قلب إلا هو بين إصبعين من أصابع رب العالمين إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه وكان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك والميزان بيد الرحمن عز وجل يخفضه ويرفعه رواه الإمام أحمد. D'après An-Nawas ibn Sam'an radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas un seul cœur sans qu'il ne soit entre deux doigts parmi les doigts du Seigneur de l'univers. S'il souhaite lui accorder la droiture, il lui accorde, et s'il souhaite le faire dévier, il le fait dévier. Et il disait: ô toi qui retournes les cœurs, raffermez nos cœurs sur la religion. Et certes, la balance est sur la main du Tout Miséricordieux. Il la rabaisse et l'élève, rapporté par l'imam Ahmed. Ce hadith prouve que les cœurs sont entre les doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il les retourne comme il le souhaite de par sa sagesse parfaite. Il convient donc aux croyants de demander à son Seigneur Azza wa Jal de le raffermir dans la foi, de le raffermir sur la vérité et d'œuvrer dans le bien afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite cela. Allah tabaraka wa ta'ala a dit: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. Ô vous qui croyez, répondez à Allah et aux messagers lorsqu'il vous appelle à ceux qui vous donnent la vie. Et sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur et que c'est vers lui que vous serez rassemblés. Ce hadith prouve également que parmi les attributs de notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala, le fait qu'il ait des doigts, tabaraka wa ta'ala. Nous affirmons donc ces attributs comme il convient à sa majesté, jalla wa ala, sans les renier, sans les altérer de leur sens, sans les faire ressembler aux attributs des créatures et sans chercher à savoir leur comment. Comme ceci est la croyance des gens de la sunna concernant l'ensemble des attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et nous le demandons, tabaraka wa ta'ala, de raffermer nos cœurs sur la foi. Ensuite, le hadith suivant est le hadith de Sofwan ibn Assal, radiallahu anhu, qui a dit: Sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul: Ma min kharijin yakhruju min baytihi fi talab al-ilm, illa wada'at al-malaikatu ajnihataha ridan bima yasna', rawahu al-imam Ahmed. J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à dire: personne ne sort de sa maison pour l'étude de la science sans que les anges ne posent leurs ailes par satisfaction de ce qu'il fait, rapporté par l'imam Ahmed. Ce hadith que l'imam Muqbil al-Wadi'i rahimahullah a mentionné sous le chapitre de la foi aux anges prouve donc la présence des anges qui sont des créatures qu'Allah subhanahu wa ta'ala créa de lumière, qui passent toute leur vie à adorer Allah, tabaraka wa ta'ala, sans s'arrêter et sans jamais lui désobéir. Il a dit à leur sujet, jalla wa ala, « La ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun » Ils ne désobéissent jamais à Allah en ce qu'il leur commande et font strictement ce qu'on leur ordonne. Et parmi leurs caractéristiques également, comme mentionné dans ce hadith et autres, le fait qu'ils sont décrits comme ayant des ailes. Il a dit, subhanahu wa ta'ala, الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. Louange à Allah, créateur des cieux et de la terre, qui a fait des anges, des messagers, dotés de deux, trois ou quatre ailes. Il ajoute à la création ce qu'il veut, car Allah est omnipotent. Il est donc obligatoire pour le musulman de croire aux anges et de croire à tout ce qui a été rapporté à leur sujet dans le livre et la sunna authentique, comme noms, caractéristiques, œuvres qu'ils accomplissent, etc. Parmi les bénéfices de ce hadith également, le très grand mérite de l'étude de la science. En effet, il est mentionné dans ce hadith que les anges posent leurs ailes sur l'étudiant en science par satisfaction de ce qu'il fait. Il est également mentionné dans un autre hadith similaire d'après Abu Darda radiallahu anhu qui a dit « J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam à dire « Celui qui emprunte un chemin vers la science, Allah lui facilite un chemin vers le paradis. » Et certes, les anges entourent de leurs ailes l'étudiant en science par agrément de ce qu'il fait. Certes, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre demandent le pardon pour le savant, jusqu'à même les poissons dans l'océan. Et le mérite du savant sur l'adorateur est comme celui de la lune sur le reste des astres. Et certes, les prophètes n'ont laissé en héritage ni dinar ni dirham, mais ils ont laissé la science. Celui donc qui l'apprend aura pris une large part. Rapporté par Abu Daoud et autres et authentifié par Sheikh Al-Albani. L'étude de la science comporte donc d'énormes mérites et c'est une des plus grandes adorations par lesquelles le croyant se rapproche de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a élevé les gens de science ici-bas et dans l'au-delà, comme il a dit jalla wa ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Allah élèvera en degré ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui ont reçu le savoir auront des hauts rangs. Les gens de science ont donc un énorme mérite et ce sont eux qui craignent réellement leur Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Et ce, car ce sont ceux le connaissant le plus et connaissant le plus ses ordres et ses interdits. Il a dit subhanahu wa ta'ala « Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama » Certes, seuls les savants craignent Allah. Et il a dit jalla wa ala Inna alladhina utul ilma min qablihi idha yutla alayhim yakhiruna lil adqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula wa yakhiruna lil adqani yabkun wa yaziduhum khushu'a. Ce à qui la connaissance a été donnée avant cela, lorsqu'on le leur récite, tombent prosternés, le menton contre terre et disent Gloire à notre Seigneur, la promesse de notre Seigneur est assurément accomplie. Et ils tombent sur leur menton, pleurant, et cela augmente leur humilité. Parmi les mérites des gens de science également, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a pris comme témoins pour attester de la plus grande des choses qui est son unicité, jalla wa ala. Il a dit tabaraka wa ta'ala, Shahid Allahu annahu la ilaha illa hu. والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Allah atteste, et aussi les anges et les gens de science, qu'il n'y a point de réel Dieu à part lui, le mainteneur de la justice, point de vrai Dieu à part lui, le puissant, le sage. Parmi les mérites de la science également, le fait qu'elle fasse partie des plus grandes œuvres dont les récompenses continuent à parvenir au serviteur après sa mort. L'imam muslim, rahimahullah, a rapporté d'après Abu Huraira radiallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque le fils d'Adam meurt, ses œuvres s'interrompent sauf dans trois choses. Une aumône continue, une science dont les gens tirent profit et un enfant pieux qui invoque pour lui. » Et Allah subhanahu wa ta'ala a également ordonné d'interroger les gens de science lorsque nous ne savons pas et il a informé que la science était dans leur poitrine. Il a dit jalla wa ala فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Et interrogez les gens du rappel si vous ne savez pas. Et il a dit بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ Il consiste plutôt en des versets évidents dans les poitrines de ceux à qui le savoir a été donné. Et seuls les injustes renient nos versets. Voici donc quelques textes sur les mérites de la science, de son étude et des gens de science. Et certes, les preuves du livre et de la sunna sont très nombreuses sur le sujet. D'ailleurs, parmi les preuves qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien pour son serviteur, le fait qu'il lui accorde la science dans la religion. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui à qui Allah veut du bien, il lui accorde la compréhension de la religion. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim d'après Muawiya radiallahu anhu. Nous demandons donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter l'étude de la science, de nous accorder une science bénéfique et de nous aider à œuvrer selon celle-ci. Ensuite, le hadith suivant est le hadith de Abu Huraira radiallahu anhu d'après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: Lamma khalaqa Allahu al-jannata wan-nar arsala Jibril ila al-jannah. فقال انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها قال فجاءها فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها قال فرجع إليه قال فوعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها فأمر بها فحفت بالمكاره فقال ارجع إليها فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها فرجع إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره فرجع إليه فقال فوعزتك لقد خفت ألا يدخلها أحد قال اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها فإذا هي يركب بعضها بعضا فرجع إليه فقال وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها فأمر بها فحفت بالشهوات فقال ارجع إليها فرجع إليها فقال وعزتك لقد خفت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها رواه الترمذي. Lorsqu'Allah créa le paradis et l'enfer, il envoya Jibril vers le paradis et lui dit: Regarde-le et regarde ce que j'ai préparé pour ces gens dans celui-ci. Il est donc parti vers le paradis, puis l'a regardé ainsi que ce qu'Allah a préparé pour ses gens. Puis il est revenu à lui et a dit: Par ta puissance, personne n'entendra parler de lui sans y entrer. Il a donc ordonné qu'il soit entouré de difficultés, puis il a dit: Retourne-y et regarde-le ainsi que ce que j'ai préparé pour ses gens dans celui-ci. Il est donc reparti vers celui-ci et l'a trouvé entouré de difficultés. Puis il est retourné à lui et a dit: Par ta puissance, j'ai peur que personne ne puisse y entrer. Il lui a donc dit: Va vers l'enfer et regarde-le ainsi que ce que j'ai préparé pour ces gens. Et voici qu'ils s'amassent les uns sur les autres. Il est donc revenu à lui et a dit: Par ta puissance, personne n'en ayant entendu parler n'y entrera. Il a donc ordonné qu'il soit entouré de désirs, puis il a dit: Retourne-y. Il est donc retourné et a dit: Par ta puissance, j'ai peur que personne n'échappe au fait d'y entrer. Rapporté par Al-Tirmidhi et autres. Ce hadith, azim, comporte énormément de fawaïd. Et parmi celles-ci, la croyance au paradis et à l'enfer, qui sont déjà présents actuellement et qui ont été créés par Allah subhanahu wa ta'ala. Le paradis est donc la demeure des délices et du bonheur éternel qui a été créé pour les vertueux, comme il l'a dit Jalla wa ala, « وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ » Et concourez au pardon de votre Seigneur et un jardin large comme les cieux et la terre préparé pour les pieux. Et il a dit à propos du feu qui est la demeure des mécréants: « فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ » Et si vous n'y parvenez pas, et à coup sûr vous n'y parviendrez jamais, préparez-vous donc contre le feu qu'alimenteront les hommes et les pierres, lequel est réservé aux infidèles. Parmi les bénéfices de ce hadith également, le fait que le chemin vers le paradis est difficile car il est entouré de difficultés. Et ce, de par la grande sagesse d'Allah, subhanahu wa ta'ala, afin de discerner entre les vertueux et les mauvaises personnes, afin que la récompense des gens du paradis soit encore plus grande, et que leur joie et leur bonheur au paradis soient encore plus complets après avoir traversé toutes ces épreuves pour y parvenir. Celui donc qui souhaite obtenir le bonheur éternel se doit de s'armer de patience et de surmonter ses difficultés et ces choses que l'âme déteste et qui sont difficiles pour elle. comme le fait de s'abstenir de manger et de boire pour jeûner, ou de se lever tôt le matin pour accomplir la prière du Fajr, par exemple. Parmi les bénéfices de ce hadith également, le fait que les désirs interdits et les passions illicites que désire l'âme mènent en enfer. Il est donc possible que l'âme désire des choses interdites, comme le délaissement de la prière, la fornication, l'usure, etc. Ainsi, il est obligatoire à celui qui souhaite être sauvé du châtiment du feu de combattre les passions de son âme, de s'écarter des interdits et de faire des efforts dans cela. Et certes, à force de faire des efforts dans l'adoration d'Allah et le délaissement des interdits, il est possible qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite et que même son âme se mette à détester et à fuir les interdits, ainsi qu'à aimer l'accomplissement des bonnes œuvres. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui accorde la réussite. Ensuite, le hadith suivant est le hadith de Abu Huraira radiallahu anhu, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit: Inna al-mayyit tahduruhu al-mala'ika, fa'idha kana ar-rajulu as-salih qala ukhruji ayyatuha an-nafsu at-tayyibah kanat fil jasad at-tayyib ukhruji hamidatan wa abshiri bi ruhin wa rayhan wa rabbin ghayri ghadban qala fala yazalu yuqalu dhalik hatta takhruj thumma yu'raju biha ila as-samaa fayustaftahu laha fayuqal man hadha fayuqal fulan fayaqulun مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب ادخلي حميدة وابشري بروح وريحان ورب غير غبان قال فلا يزال يقال لها حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل وإذا كان الرجل السوء قالوا اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث اخرجي ذميمة وابشري بحميم وغساق واخر من شكله ازواج فلا يزال حتى يخرج ثم يعرج بها الى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا؟ فيقال فلان فيقال لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث ارجعي ذميمة فانه لا يفتح لك ابواب السماء فترسل من السماء ثم تصير إلى القبر فيجلس الرجل الصالح فيقال له مثل ما قيل له في الحديث الأول ويجلس الرجل السوء فيقال مثل ما قيل في الحديث الأول. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam: Les anges se présentent aux mourants. Si c'est un homme vertueux, ils disent: Ô bon homme qui était dans ce bon corps, sors de manière louable et reçois la bonne nouvelle du repos, de la grâce et d'un seigneur n'étant pas en colère. Et on ne cessera de lui dire cela jusqu'à ce qu'elle sorte. Puis on la fera monter au ciel et il sera demandé qu'on lui ouvre. Il sera alors dit: Qui est celui-là? Ils diront: Un tel. Ils diront alors: Bienvenue à la bonne âme qui était dans ce bon corps. Rentre de manière louable et reçois la bonne nouvelle du repos, de la grâce et d'un seigneur n'étant pas en colère. Et on ne cessera de lui répéter cela jusqu'à ce qu'elle arrive au ciel où se trouve Allah Azza wa Jal. Et si le mort était une mauvaise personne, ils lui diront: Sors, ô mauvaise âme qui était dans un mauvais corps, sors, décrié, et reçois la mauvaise nouvelle d'une eau bouillante et de pus, et d'une autre diversifiée mais de même nature. Et on ne cessera de lui répéter cela jusqu'à ce qu'elle sorte. Puis on le fera monter au ciel et il sera demandé qu'on lui ouvre. Il sera alors dit: Qui est celui-ci? Ils diront: Un tel. Ils diront alors: Pas de bienvenue pour une mauvaise âme qui était dans un mauvais corps. Faites-le retourner décrié, car les portes du ciel ne te seront pas ouvertes. Il sera donc envoyé du ciel jusqu'à sa tombe. Puis il sera dit à l'homme vertueux après s'être fait asseoir, tout comme au début du hadith. Et le mauvais homme sera fait asseoir également, et il lui sera dit comme le début du hadith, rapporté par l'imam Ahmed. Ce hadith est une explication de ce qui arrive à l'âme après la mort et avant l'enterrement. En effet, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé que la bonne nouvelle est annoncée à l'âme du croyant par les anges avant de la lui prendre. Il monte ensuite avec lui jusqu'au ciel où la bonne nouvelle lui est de nouveau annoncée, et ce, avant d'être ramené vers son corps dans la tombe, qui sera également pour lui un délice. Quant aux mécréants, Ils lui annonceront le châtiment et la colère de son Seigneur. Ils monteront ensuite au ciel avec celle-ci, alors qu'elle sera humiliée et apeurée. Cependant, les portes du ciel ne lui seront pas ouvertes, et elle sera envoyée vers sa tombe, qui sera pour lui un supplice et un châtiment. La période entre la mort et l'enterrement est donc pour le croyant la première étape du bonheur éternel, et ce, car la bonne nouvelle lui est annoncée. Son âme est donc apaisée et joyeuse, et elle ne sera plus jamais triste après cela. Quant au mécréant, ceci est pour lui la première étape du châtiment éternel, et après cela, son âme ne trouvera plus jamais le bonheur ni l'apaisement. Ce hadith est donc un encouragement à l'accomplissement des bonnes œuvres et au délaissement des péchés et interdictions, et ce, pour ce que cela comporte comme conséquence après la mort. Et c'est également un encouragement au rappel de la mort et à l'ascétisme dans la vie mondaine. De plus, il comporte une mise en garde contre le fait de se faire tromper par la vie mondaine et ses plaisirs éphémères. Et enfin, c'est une bonne nouvelle pour le croyant qui se réjouira de ces bonnes annonces avant même la sortie de son âme. Ensuite, le hadith suivant, et qui est le dernier de cette série, est le hadith de Anas ibn Malik radiallahu anhu qui a dit: Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Man sa'ala Allah al-jannata 3 marrat, qalat al-janna, Allahumma adkhilhu al-janna, wa man istajara min an-nari 3 marrat, قالت النار اللهم أجره من النار. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Quiconque demande à Allah le paradis à 3 reprises, le paradis dira: Ô Allah, fais-le entrer au paradis. Et quiconque cherche refuge contre l'enfer à 3 reprises, l'enfer dira: Ô Allah, accorde-lui le refuge contre le feu. Ce hadith est un encouragement à multiplier l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala pour obtenir le paradis et à accomplir les causes menant au paradis. C'est également un encouragement à multiplier l'invocation d'Allah, tabaraka wa ta'ala, pour être préservé de l'enfer et de s'écarter des causes menant en enfer. En effet, le paradis est la demeure des bienfaits éternels et des délices qui ne s'interrompent jamais. Le doué de raison se doit donc de faire tous ses efforts pour espérer y entrer. Et certes, les textes décrivant les bienfaits du paradis sont très nombreux. Et parmi ceux-ci, Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Wallavina amanu wa amilu s-salihat, sanudkhiluhum jannatin. Et quant à ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, bientôt nous les ferons rentrer au jardin sous lesquels coulent les ruisseaux. Ils y demeureront éternellement. Il y aura là pour eux des épouses purifiées, et nous les ferons entrer sous un ombrage épais. Et il est rapporté dans le hadith al-Qudsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah ta'ala a dit: J'ai préparé pour mes serviteurs vertueux ce qu'aucun œil n'a vu, qu'aucune oreille n'a entendu, et qu'aucun cœur n'a jamais imaginé. Rapporté par al-Bukhari et Muslim. De même, l'enfer est la demeure de la perdition, du châtiment et de la douleur éternelle, qu'il est obligatoire à tout doué de raison de fuir et de faire tous ses efforts pour en être préservé. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adhab inna Allaha kana azizan hakima. Certes, ceux qui ne croient pas à nos versets, bientôt nous les brûlerons dans le feu. Chaque fois que leurs peaux auront été consumées, nous leur donnerons d'autres peaux en échange afin qu'ils goûtent au châtiment. Allah est puissant et sage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Certes, le moins châtié des gens de l'enfer est celui ayant des chaussures et des lacets de feu qui feront bouillir son cerveau tout comme la marmite. Il pensera donc être la personne la plus châtiée, alors qu'il est en réalité le moins châtié, rapporté par Muslim. Et si ceci est la situation du moins châtié dans l'enfer, alors que dire de la situation des autres et le refuge est auprès d'Allah? Nous demandons donc à Allah, subhanahu wa ta'ala, de nous accorder le paradis et de nous faciliter toute action menant au paradis. Et nous lui demandons de nous préserver de l'enfer et de toute action menant en enfer. Ainsi se finit l'explication résumée de ces quelques hadiths du chapitre de la foi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala la rende bénéfique et qu'il nous guide vers tout ce qu'il aime et qu'il agrée. Hada, wallahu a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad.